m'a dit y'a qu'un ovni, y'a qu'un phénomène. Je suis gentil mais fais gaffe si tu cherches le problème. Y'a qu'un phénomène. J'suis gentil mais fais gaffe si tu cherches les problèmes.